Voici l'humeur de Guillermo. Si, l'humeur de Guillermo. Bonne Noël. Guillermo. Bonjour les amis. Ça va? Toxicomanie, terrorisme, au moins 9 sortes de déviance sexuelle. Non, rien à voir avec le prochain week-end de Leïla. Bien essayé. Je parle simplement des thèmes que les forçats du gag rémunérés ont pris l'habitude d'aborder librement sur cette antenne de gauchistes décadents. Antenne où, comme le vendredi soir chez Arthur, tout semble donc permis. À ceci près qu'il reste un tabou. Et je vais de ce pas prouver que le maréchal n'est pas le seul à en avoir par kilogramme dans le froc, pas vrai maréchal ? Affirmatif. On est bien d'accord. Parce que ce tabou, j'ai décidé de le briser au risque de pousser les plus érudits de nos auditeurs à insulter ma mère dans différentes langues mortes. Voilà, ce matin sur France Inter, je vais vous parler de football. Quoi ? Et en revenant, tête reposée sur la merveilleuse, la fantastique soirée de mercredi. Non. Ah, ferme-la. Va de rétro, Satanas en Belgique. Meurs dans des douleurs inédites. La France, mon gars, tu l'aimes et t'es triste quand le PSG perd ou tu la quittes, misérable. Sois heureux qu'on n'ait pas foutu un rocher à la place de ton siège, sale migrant de la première génération. Oui, ok. Non, je sais, calmez-vous. Calmez-vous, moi aussi ça m'a fait un choc. Si j'étais supporter du PSG, j'aurais aussi envie de me jeter dans une porte-fenêtre. Mais en vérité, je vous le dis, cessez de pleurnicher sur le sort des joueurs parisiens, bande de souillons ethnocentrés. Parce que la remontée historique du Barça, c'est l'espoir. La remontada. Oui, attendez avant de me jeter des objets en métal pointu dans les organes vitaux. Laissez-moi développer. La remontée inespérée du Barça, c'est celle des gens que la bien-pensance a enterrés trop tôt. La remontée du Barça, c'est celle de Philippe Poutou, de Nicolas Dupont-Aignan, de Jacques Cheminade. La remontée du Barça, c'est la remontée des taxis sur Uber, des vidéoclubs sur le téléchargement, de PPDA sur Gilles Boulot. C'est le baroud d'honneur du vieux monde, celui du slip kangourou de Souria Bonali, de Francis Cabrel. Et surtout, et là je m'adresse à la frange de nos auditeurs qui ont un poster de Karl Marx dans leur salle de douche. Et d'après les sondages, on parle quand même de 60 à 97. Le Barça, c'est l'extrême gauche de la philosophie tactique. Le tiki-taka, c'est la collectivisation des moyens de production footballistique. C'est le kolkhoz en Proust-Chibia. C'est vrai, fini l'exclusion. Chaque joueur touche 160 fois le ballon avant de passer la moitié de terrain. C'est un hymne à l'entraide, à la solidarité, à la coopération. Bon, après, on file la balle à Messi ou à Neymar qui vont marquer et qui siphonnent tout le pognon. Bon, ça, c'est les dérives du communisme. Voilà, immanquablement, il y a une élite qui se forme. Ça n'empêche pas que c'est un beau projet à la base, plein de générosité. Sur le terrain, le Barça, c'est le grand soir, c'est l'utopie collective tout en laissant la place à la fantaisie individuelle, la poésie d'Iniesta. Iniesta, putain, à côté Rimbaud, c'est Emile Image. Vous avez déjà vu ce type jouer? Il y a plus de classe dans une couille d'Iniesta que dans les 6 dernières années de ma vie. Faudrait bâtir un musée de la passe pour honorer Iniesta. Je vous jure que je le ferais si le musée de la passe. Et ses talonnades. Oui, ouais. Voilà, je vous jure que je le ferais si le nom musée de la passe n'avait pas déjà été déposé par Daniel Morin et Dodo La Saumure pour un tout autre projet. Bravo les gars, je vous souhaite le meilleur. Enfin, le Barça historique. Celui qu'on croyait mort, tactiquement, c'est un projet de société, c'est la promesse d'un monde meilleur, alors que le Paris Saint-Germain, sérieux. Qu'on s'y méprenne pas, voilà, comme tout le monde, j'avais anticipé la réjouissante qualification du PSG, petite équipe régionale vaillante, et au demeurant fort sympathique, hein, où évolue, je le concède, d'intéressants semi-professionnels, comme l'italien Marco Verratti, soudeur indépendant le jour, footballiste la nuit. Verratti qui a bien du mérite à déployer tant de talent en ayant les pieds si proches des fesses. C'est pas facile. Demandez à Nagui. C'est vrai, dans des conditions morphologiques aussi extrêmes, il est rare de pouvoir manipuler un ballon sans trébucher tous les 2m50. Et le saut sur place ou juste l'inactivité sont beaucoup plus adaptés à des physiques inattendues comme les leurs. Il est aussi grand que Messi en taille. Mais voilà, malgré l'élan de compassion que le PSG a drainé après sa misérable défaite, je repose la question. Que voulons-nous comme société pour nos enfants? Allez, bonne émission. Merci Guillaume. Bravo. France Inter, Nagui, la bande originale.